Exercice 6, page 56. A. Je ne pollue pas. Si, tu pollues. B. Je ne refuse pas. Si, tu refuses. C. Je ne recule pas. Si, tu recules. D. Je ne décide pas. Si, tu décides. E. Je ne maîtrise pas. Si, tu maîtrises. F. Je ne délire pas. Si, tu délires.